fièvre. La fièvre me prend. Fièvre. La fièvre me prend. Ça m'amène dans la faucille au hasard. La fièvre me prend. Tu es comme le chêne liège que l'on dépouille de son écorce et que l'on laisse et que l'on blesse. Salvant noyer tes songes et moi le mensonge me ronge. Tu cherches les tiens dans une poignée de sable. Que la fièvre apporte la réflexion aux fous qui sont obéis aux ordres sombres. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le virus Ebola, l'histoire du virus, l'histoire d'une épidémie. Nous allons en parler avec notre invité, Johan Tilouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde et vous étiez en juin dernier en République démocratique du Congo, dans une région située en pleine forêt équatoriale, et vous avez enquêté sur le retour d'Ebola. Vous en avez tiré un grand article lorsque vous êtes allé enquêter dans le village de Itipo, et c'est dans le nord-ouest de la RDC. Je voudrais préciser que, je le redis d'ailleurs à nos auditeurs, que nous faisons une rediffusion par semaine, mais avec un nouvel invité qui, lui, est en direct, c'est votre cas aujourd'hui, Johan, et le récit que vous avez entendu date de novembre 2014, c'est important de le dire pour resituer. Parce que, concernant Ebola, il y a eu sa naissance en 76, il y a eu plusieurs épidémies, dont une terrible en 2014, et aujourd'hui la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il est éradiqué ou s'il continue à se propager. Est-ce qu'on peut répondre à cette question déjà ? C'est très difficile. En revanche, en ce moment, l'épidémie d'Ebola continue de frapper la République démocratique du Congo. Le pays donc est sorti de sa 9e épidémie d'Ebola en août, donc cet été. Mmh. Et quelques semaines plus tard, une nouvelle épidémie a été signalée et elle est toujours en cours. À l'est du pays, donc dans la province du Nord Kivu. Donc Ebola est toujours là en RDC, se déplace. C'est comme un spectre qui finalement hante et de temps en temps est repéré. Et évidemment, il y a aussi des petits foyers qui ne sont pas repérés parce qu'on est dans des territoires qui sont très difficiles parfois d'accès. On est en pleine forêt ou dans des montagnes où parfois il y a des groupes armés, parfois on est dans des endroits extrêmement reculés où il n'y a pas de centre de soins capable de détecter l'épidémie. Etipo donc se trouve au nord, au nord-ouest hein, d'une République démocratique du Congo, près de la République centrafricaine, non loin du Cameroun et du Congo. Alors, vous dites qu'il reste encore là, il y a des foyers, puis d'autres qui se rallument. C'est un peu des feux mal éteints, hein, Ebola. Les organisations non gouvernementales sont présentes là où il y a danger ou avéré ou potentiel? Alors, en fait, pour l'épidémie qui s'était déclarée donc le 8 mai et qui s'est terminée le 23 juillet, donc en Équateur, dans la province de l'Équateur au nord-ouest, c'est une province qui est assez délaissée et qui, quelque part, la plupart des grandes ONG n'étaient pas présentes sur place dans cette province parce que ce n'est pas une province où il y a des conflits armés en ce moment. Il y a évidemment beaucoup de problèmes, mais voilà. Il faut savoir qu'il y a plusieurs conflits actuellement en RDC, donc la présence des ONG évidemment s'échelonne et se répartit d'abord sur les urgences parce qu'il y a beaucoup d'urgences. Oui. Voilà. Donc la province de l'Équateur, au nord-ouest du pays, n'était pas une province ciblée par les ONG. Donc elles ont dû mettre en place toute une logistique, s'organiser pour répondre, pour essayer de gérer cette crise d'Ebola, cette épidémie, sachant que c'était très compliqué puisque la capitale de cette province, Mandaka, a été touchée par quelques cas. Mais la plupart des cas étaient à environ 150 kilomètres, comme à Etipo, qui était un des épicentres de cette épidémie-là. C'était à 150 kilomètres donc de la capitale provinciale, mais c'est 150 kilomètres de routes complètement ravagées, détruites, des pistes qui sont voilà, il y a eu des pluies, etc. Donc en moyenne, faut mettre 20 heures de moto pour aller à Etipo. Donc Le seul moyen pour eux de réagir très vite, ça a été de solliciter la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, qui est une des plus grandes et des plus anciennes missions des Nations Unies dans le monde, pour avoir un appui logistique de la MONUSCO. Avec des hélicoptères. Donc des hélicoptères. Mmh. Il y avait des rotations d'hélicoptères de Mandaka, la capitale, jusqu'à Etipo, les petits villages, pour acheminer le matériel, les médecins, les aides-soignants, le personnel, etc. Alors, je lis le début de votre article. À Etipo, village perdu dans les profondeurs de la forêt équatoriale, tout le monde appréciait Papa Charles. Ah, ce Papa Charles, on en parlait. Ici, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, chacun a son anecdote, son mot gentil en mémoire de cette infirmière. Voilà, donc on sait qu'il est infirmier, Papa Charles. Qui est ce monsieur? Vous pouvez nous en parler, parce qu'il est vraiment, c'est l'acteur principal de l'article. Hein. Oui, alors Papa Charles, c'était un personnage assez charismatique dans ce petit village d'Itipo, qui est vraiment un petit village perdu en pleine forêt équatoriale, où il y a, le centre du village, c'est d'ailleurs une mission catholique avec des vieilles sœurs catholiques belges, qui sont là, des lazaristes. Et Papa Charles, c'était une institution dans ce village, c'était un personnage très, très haut en couleur, très apprécié, parce qu'il aidait beaucoup, il était officiellement... aide-soignant, infirmier, dans le petit centre de soins d'Itipo. Donc c'était quelqu'un, Papa Charles à Etipo. C'est vers lui qu'on venait quand on avait un problème de santé, même des petits problèmes personnels, etc. Ou besoin d'un... voilà. Donc, c'était un notable, quoi. C'était un notable sans le titre, quoi. Voilà. Et... lorsqu'il est mort, Papa Charles, c'était juste avant que l'épidémie officielle d'Ebola soit décrétée, ça a été un peu la panique et la crainte de la part des sœurs, parce qu'elles voyaient des symptômes quand même assez bizarres, hein, des vomissements, des espèces d'auto-asphyxie. Papa Charles n'avait plus à respirer, il crachait du sang, il vomissait du sang, etc. Elles ont pensé à Ebola. En RDC, on pense quand même à Ebola pour certains, puisque c'est la 10e épidémie, hein, contrairement à l'Afrique de l'Ouest et autres. Mais pas les habitants. Les habitants, eux... c'est Papa Charles, donc on vient le visiter lorsqu'il est mort, on vient le toucher selon la tradition locale, on touche le corps, on vient l'embrasser, on vient le laver, on vient le porter ce corps sur des kilomètres de village en village. Or Papa Charles était porteur, en fait était victime donc d'Ebola. Et donc il en était porteur. Et donc il était contaminant. Et il a contaminé puisque des dizaines et des dizaines de personnes l'ont touché, transporté, embrassé. Alors, c'est important, il y a une phrase importante dite par l'un des habitants. Chez nous, toute mort a une raison et Ebola n'en est pas une. Glisse un notable, tiens, pour le coup. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si on doit croire à Ebola, toujours la même personne qui parle. toute mort a une raison, Ebola n'en est pas une. Moi, je trouve que c'est une phrase clé, non ? Oui, sans doute, parce que... On est dans un coin extrêmement reculé, plutôt coupé des grandes villes finalement, et dans des sociétés qui sont tiraillées aussi par des tensions internes entre sociétés. On est dans des villages où il y a plusieurs communautés et des tensions latentes, par exemple entre pygmées et bantous, pygmées autochtones, bantous qui sont aujourd'hui ceux qui occupent les postes généralement clés, et les pygmées s'estiment marginalisés. Donc il y a un tas de tensions, de croyances qui s'agrègent, etc. Et on est dans des sociétés où la religion catholique cohabite plus ou moins en osmose avec les croyances traditionnelles qui sont toujours très fortes, et c'est ça que les gens aiment. La première référence, c'est les croyances traditionnelles, c'est les esprits des ancêtres, des aînés. Et du coup, la science, en fait, l'explication scientifique est difficile à être comprise. C'est difficile à faire accepter par quelqu'un qui est dans une dimension ésotérique et est dans une pensée finalement assez mystique de sa vie quotidienne, de tous les jours, qui interprète de manière mystique tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il subit. Et donc il y a une cohabitation. Et pardonnez-moi, mais voilà. Et quand il y a une crise Ebola, il y a tout d'un coup toute une mise en place logistique qui arrive, et ça peut sembler peut-être idiot, mais un hélicoptère à Etipo, on n'en avait jamais vu, quoi. Tout d'un coup, il y a des médecins avec des piqûres. Waouh, ça fait très bizarre. Et ça fait peur. Et ça fait extrêmement peur, d'autant plus que quand toute crise Ebola, il y a des gens en combinaison intégrale jaune avec du désinfectant et tout. Donc c'est cohabitation entre deux mondes qui s'ignorent et qui ne se connaissent pas. Et donc c'est très compliqué à être accepté. Et d'ailleurs, dans l'article, un leader appelé Batois partage ses doutes et dit, alors on va le citer, « On ne peut plus chasser, on ne peut plus enterrer nos morts en forêt, on ne peut plus se toucher, ils disent que c'est Ebola, mais nous on pense qu'il y a des esprits ici. » Et ça, ils ne comprennent pas. Voilà, alors le père, lui, Stéphane Ingebe Lopumbwa, c'est ça, répond « Notre vie communautaire est en suspens et on essaie de surmonter la peur, mais surtout de convaincre les habitants qu'Ebola est une réalité, pas une croyance. » Probablement qu'il est là le problème. Ça a été un des défis principaux pour les équipes, que ce soit des médecins urgentistes de l'OMS ou des Nations Unies. C'était établir un dialogue et faire avancer ce dialogue, en fait, et faire comprendre que il y a des mesures concrètes, pragmatiques qui peuvent freiner, endiguer cette contamination. Il y avait un cas très concret, très simple, c'est pour ces communautés-là, d'Itipo, lorsqu'on enterre un mort, on doit laisser ouvert le cercueil pour que l'âme puisse voyager, s'envoler, naviguer dans les airs. Bon. Or là, en pleine épidémie Ebola, l'OMS, les médecins de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avaient entamé tout un dialogue, c'est quasiment des tractations diplomatiques avec les chefs traditionnels pour faire accepter que, les morts vont être mis dans un sac en plastique, que normalement ce sac, pour éviter la contamination, doit être intégralement fermé par une fermeture éclair. Et là, il y avait des discussions pour faire accepter la réalité d'Ebola et le travail des médecins, dire qu'on va entrouvrir un tout petit peu le sac sur le haut, pour permettre à l'âme de s'envoler. On en est là. Mais ça, c'est des semaines et des semaines de discussions. C'est extrêmement compliqué. Il faut d'abord gagner la confiance des notables, des chefs traditionnels. Ensuite, que les chefs traditionnels fassent des concessions, quasiment, pour eux. Ensuite, fassent accepter ces concessions par leur population. Et que derrière, on mette en place cela. Donc, il faut gagner la confiance, et c'est très compliqué. Bien sûr, parce que l'enjeu est très fort pour ces populations-là, leur tradition et leur croyance. Et ça prend du temps dans une situation d'urgence. Oui, donc j'imagine. Il y a deux problèmes aussi. Il y a deux temporalités qui se heurtent. On va continuer à parler de ce sujet grave et passionnant, Johann Tilwin, dans 3 minutes. On se retrouve à peu près dans 3 minutes. On se demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme. L'espoir absurde d'un monde meilleur, l'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisée en continu par la musique de toutes les planètes, et des rires et des larmes, des rires et des larmes, et des rires et des larmes. Et tandis que l'on aime se voir, on se fait croire qu'on vaut mieux que le ressac de l'humanité tout entière. Ne plus croire en rien et aller brouter les inquiétudes ensevelies des mille autres quelque part. Et toujours jeune, on assiste à l'ascension des égos. On avale la jalousie, la gorge pique, on perd des frères et des sœurs et on échange. Blanc bec, faux soleil, crié d'avance, temps perdu, âme damnée et karma gigantesque. Cyril Colosse de Rhodes sur France Inter. Nous sommes toujours avec notre invité Johan Tilouine, journaliste au Monde. Johan Tilouine, vous êtes allé en République démocratique du Congo au mois de juin dernier, dans le village d'Itipo, pour enquêter sur Ebola, sur la propagation du virus, ses conséquences sur les populations. Alors, on a parlé de Papa Charles, hein, qui était, je le rappelle, donc infirmier, aide-soignant de ce village, mais qui était une figure charismatique, pas un sorcier, mais on pourrait dire un notable. Et puis il est mort, victime lui-même d'Ebola. Alors, à la fin de l'article, vous rapportez les propos d'un vieil homme qui vient des environs, dit Itipo, et qui, non sans humour, lâche. Sacré Papa Charles, il a fait connaître ce village, Itipo, au monde entier. Bah, vous aussi avec votre article. Bien. Alors, les organisations non gouvernementales sont présentes, on l'a dit. Bon, il y a l'OMS, évidemment, en premier. Quelle est l'efficacité des plans internationaux pour le coup, comme ceux de l'OMS? Alors, pour cette neuvième épidémie, hein, donc dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, les réponses ont été assez rapides, assez efficaces. L'OMS s'est plutôt déployé assez rapidement, en gardant en mémoire, effectivement, c'est les critiques qui avaient suscité la lenteur de sa réaction lors de la crise en Afrique de l'Ouest, qui avait été beaucoup critiquée, et également MSF. Mais il faut aussi noter que le ministère de la Santé en RDC a été particulièrement efficace et dans la coordination y compris. Ce qui peut surprendre, hein, on est dans un pays où le chef de l'État, Joseph Kabila, a terminé son dernier mandat en décembre 2016 et que les élections sont censées se tenir ce 23 décembre. Donc on est quand même dans un espèce d'épisode politique politique très particulier avec plusieurs conflits qui se déroulent sur le territoire. Donc elle a été plutôt bonne et d'autant plus que je crois qu'il y avait une véritable aussi dimension de laboratoire scientifique, c'est-à-dire que voilà, c'est une des premières épidémies où le vaccin a été déployé, des vaccins contre Ebola ont été déployés. L'idée, c'était quoi ? De faire ce que les spécialistes appellent une vaccination en nano, c'est-à-dire qu'on vaccine, on identifie d'abord les contacts de personnes qui proches de victimes d'Ebola, on les vaccine et ensuite on vaccine leurs proches, donc les proches de proches, et ainsi de suite. Ça, cette technique a pour but d'essayer de circonscrire et d'empêcher les personnes ayant été en contact avec un malade contaminer d'autres et de, voilà. Et de contaminer. Exactement. Donc ça a été assez efficace et malgré les difficultés logistiques, l'appui de la mission des Nations Unies pour en pont aérien avec des hélicoptères, etc., a beaucoup servi. Donc, pour cette crise-là, ça a été plutôt assez bien géré et coordonné entre ONG, OMS et ministère de la Santé du gouvernement congolais. Alors, on va écouter une archive qui date de 1996. C'est le docteur Bernard Le Guénot qui parle. Il est directeur à l'époque du Centre des arbovirus et des fièvres hémorragiques à l'Institut Pasteur, donc vraiment un grand connaisseur d'Ebola, collaborateur de l'OMS. Il témoignait de ce qu'il avait pu observer, alors cette fois, au Zaïre. Les problèmes auxquels nous avons été confrontés en arrivant au Zaïre sont les problèmes qui ont été à la base de cette épidémie, c'est-à-dire un pays complètement déstructuré. Il n'y avait plus de paye pour le personnel soignant depuis 6 mois, donc aussi bien les infirmiers que les médecins étaient complètement démotivés. Il y avait un manque de moyens techniques, c'est-à-dire pas d'eau courante, pas d'électricité, donc un hôpital dans un état sanitaire déplorable, et également un manque de matériel, c'est-à-dire que les gants sont réutilisés jusqu'à ce qu'ils craquent. Les infirmiers font ce qu'ils peuvent, ils les lavent, ils les stérilisent, mais c'était vraiment des conditions de travail extrêmement difficiles pour ce personnel. Bon, manifestement, il y a eu quelques progrès, hein. Oui et non, parce que l'état du système de santé en RDC reste préoccupant. Et dans un voilà, on est dans des hôpitaux où les Congolais ont l'habitude de dire pour plaisanter qu'on va à l'hôpital pour mourir même quand on a un rhume. Donc c'est non, les centres de soins et le système de santé restent dans un état très préoccupant. Bon, alors tous les gens, les malheureux qui sont atteints par le virus Ebola ne meurent pas. De confirmer. Il y a donc des survivants. Comment ils sont pris en charge, les survivants, et dans quel état ils sont ? Alors, sur cette neuvième épidémie, il y en a eu évidemment des survivants. C'est des gens qui sont déjà qui sont impressionnants parce qu'ils font preuve d'une force mentale, psychologique assez étonnante. Il y a eu un symbole très fort pendant cette neuvième épidémie, ça a été le rôle de l'Église catholique, et notamment d'un très très haut responsable de l'Église catholique congolaise, sachant que l'Église est extrêmement puissante, y compris politiquement en RDC, qui est venu à Itipo et qui a prié sur l'un des prêtres locaux du coin, qui a été touché. Cette image a été très puissante, donc on avait un archevêque séparé par une petite barrière et le malade, voilà, qui était agenouillé. Et cette image a beaucoup frappé. On est dans un pays où les croyances sont très puissantes, très fortes. L'Église est quasiment la seule institution qui est respectée et qui fonctionne en RDC avec les services d'enseignement. Et ça a beaucoup frappé. Et ce prêtre a été guéri. Donc ça a encore plus amplifié, évidemment, le mythe, en fait, que la guérison est possible, que Ebola n'est pas une fatalité, et que on ne meurt pas forcément d'Ebola. Mais d'un point de vue purement médical, parce que ça, évidemment, ça a marché une fois, ça marchera peut-être pas deux fois. Bien sûr. Bon, alors d'un point de vue médical, comment ils sont pris en charge ? Alors, ils sont pris en charge quand on est malade d'Ebola, on est mis en quarantaine. Il y a un monsieur avec une combinaison intégrale jaune et un masque. Enfin, voilà, on le voit. Il n'y a pas un grain de peau qui dépasse de sa combinaison, qui vient vous apporter à manger, qui vient vous prendre la température, et vous donner des médicaments, etc. Donc, vous êtes en quarantaine absolue. Bien, merci Joanne Théluine. Nous arrivons à la toute fin de cet entretien. Il faut juste rappeler que la situation est préoccupante aujourd'hui, au moment où nous parlons. Dans l'est du pays, vers la frontière avec le Rwanda. Donc cette affaire n'est pas terminée. C'était la première question. Est-ce que c'est terminé ? Maintenant, on le sait, ça n'est pas terminé. Mais c'est terminé pour ce qui concerne l'émission. Merci. Merci à vous.